Brèves histoires de la culture par Jérôme Clément. Nous sommes en 1519. François Ier, roi de France depuis 1515, tout juste âgé de 25 ans, va être élu empereur du Saint-Empire romain germanique. Autrement dit, l'Allemagne, l'Autriche et le nord de l'Italie, moins Venise. Ce colosse va réunir un ensemble continental qui pourra rivaliser avec l'immense empire colonial espagnol et tenir en lisière la puissance montante de l'Angleterre. Mais le mirage s'efface. C'est Charles de Habsbourg, déjà roi d'Espagne, des Flandres et de la Franche-Comté, qui devient empereur et la France se retrouve cernée. Il ne reste au roi que ses rêves, dignes de l'empereur qu'il aurait aimé être. Moins de 3 mois plus tard, il ordonne la construction d'un château, près de ceux où il a souvent vécu dans le Val-de-Loire, Amboise ou Blois. Aménagé en pleine campagne, Chambord manifestera sa puissance et sa passion de la chasse avec un grand parc clos de 2500 hectares. Une enceinte basse, une large façade animée par 4 tours, mais ce qui contraste et étonne, puis enchante, c'est la zone des terrasses. Une multitude de cheminées, d'édicules, de couronnements, tous ornés de sculptures ou de pierres de couleur, composent une sorte de paysage minéral féerique, comme si 2 bâtiments, conçus par des architectes différents, étaient posés l'un sur l'autre. Deux architectes ? Un, François lui-même, et Léonard alors. Léonard de Vinci est bien en France depuis 3 ans. On a mis à sa disposition un manoir à proximité d'Amboise, où il s'est installé avec ses aides, ses manuscrits et quelques tableaux, dont la Joconde. Il ne peint plus guère, mais il dessine beaucoup. Est-ce lui qui a proposé ce plan à base de formes simples, carrés ou cercles, symbole d'harmonie ? Ses talents d'ingénieur se cachent-ils sous le magistral escalier à double révolution mis en scène au centre du bâtiment ? Léonard meurt le 2 mai 1519. Et s'il a tracé un plan pour Chambord, nous n'en avons aucune trace. A l'inverse, il serait peu vraisemblable qu'il n'ait pas donné son avis sur le projet. Durant 30 ans de règne, François Ier poursuit ce gigantesque chantier ruineux, mais n'y séjourne que 72 jours. Fidélité à son ami Léonard, besoin de montrer que c'est lui qui aurait fait l'empereur le plus glorieux. S'il lui fait la guerre, il invite cependant Charles Quint, très admiratif, à visiter le château bien avancé en décembre 1529. Mais Chambord ne lui suffit pas. Il veut une nouvelle façade pour la cour carrée du Louvre. Elle est confiée à Pierre Lescot. Un nouvel hôtel de ville pour Paris, ce sera l'architecte italien Boccador. Et puis des châteaux à Saint-Germain, à Villers-Cotterêts et surtout à Fontainebleau. Pour ses palais, il fait appel à de nombreux artistes et architectes italiens. Son rêve transalpin s'effondre lors de la défaite de Pavie, où il est fait prisonnier en 1525. 2 ans plus tard, après la mise à sac de Rome par les troupes de Charles Quint, les artistes cherchent de nouveaux commanditaires. François Ier saura accueillir cette créativité. Le prix Matisse dirigera la vie artistique de la cour pendant plus de 30 ans. Organisant fêtes ou cérémonies, décorant le château et acclimatant la Renaissance italienne en France, tantôt le roi fait venir Benvenuto Cellini, graveur, sculpteur et orfèvre, tantôt il collectionne les œuvres d'art, comme les 2 esclaves de Michel-Ange, qui sont aujourd'hui au Louvre. Les Français sont aussi de la partie. Jean Goujon au Louvre et à la merveilleuse fontaine des Innocents à Paris, ou Germain Pilon, sculpteur, ou encore Philibert Delorme pour Annay ou à la basilique de Saint-Denis. Les rêves de François Ier, homme d'action et d'esprit, représenté magnifiquement par Jean Clouet, le peintre, font éclore la Renaissance française. Vive le Louvre.